Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Canada en guerre. D'abord, cette mer qui était couverte de bateaux, elle qui ne contient qu'en général de petits bateaux de pêche. Mais aussi, c'était tous ces Canadiens qui débarquaient, qui étaient là dans leur péniche de débarquement, des petits bateaux là, d'une quarantaine d'hommes. Ils étaient assis là-dedans, calmes. C'était fantastique de voir ces hommes qui sans doute n'avaient jamais combattu. Ils étaient tellement jeunes. Et qui étaient là comme déjà de vieux briscards. C'était sensationnel. Un citoyen de Bernières-sur-Mer qui se rappelle le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et la participation canadienne à ce débarquement. Le débarquement de juin 1944 est l'un des faits marquants de l'histoire militaire canadienne. Au cours de cette émission, première de notre série autour du 150e anniversaire de la Fédération canadienne, on va évoquer trois épisodes importants de notre histoire en lien avec la guerre. En plus du débarquement de Normandie, il sera question dans cette émission de la crise de la conscription de 1917, l'une des crises politiques les plus importantes de l'histoire du pays, et de la création des casques bleus par Lester B. Pearson en 1956, l'un des héritages les plus importants du Canada sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'histoire, le Canada en guerre. Nos combattants méritent notre hommage, car dès le début des hostilités, tous les Canadiens s'unirent pour servir leur pays. Au cours de longs mois d'attente, d'observation et de préparation, ils se donnèrent tout entier pour faire honneur à la patrie et se montrer dignes de ceux aux côtés de qui ils combattaient. Ils étaient des centaines de milliers d'entre eux, étudiants, fermiers, avocats, employés de bureau, médecins, commis de magasin, hommes de science, camionneurs. Ennemis de la cruauté de la guerre, ils partirent pour combattre en des pays lointains. Ils bravèrent la mort et les dangers des océans inconnus. Aujourd'hui, le printemps redonne au pays sa magique beauté. Les espoirs qui ont survécu à la nuit de l'hiver fleurissent de nouveau. N'y faut-il pas voir le signe de la victoire de nos armes ? Extrait d'un film de l'Office national du film réalisé en 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est formidable avec cet extrait, c'est qu'évidemment, on replonge tout de suite dans l'état d'esprit de l'époque. Fierté, patriotisme, héroïsme, sens du devoir accompli. Pour revivre quelques épisodes qui ont marqué l'histoire militaire canadienne, trois invités autour de la table. Carl Bouchard, que vous connaissez, professeur à l'Université de Montréal, habitué de l'émission. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Caroline Damour, chercheuse postdoctorale en histoire militaire canadienne à l'Université de Boston. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Et puis Stéphane Roussel, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour. Premier tour de table pour débuter cette émission. Qu'est-ce que ça représente, la guerre, pour un pays comme le Canada? Quelle expérience on a de la guerre et quel rapport on a dans ce pays avec la guerre? Carl Bouchard. Oui, bien, l'extrait nous le montrait bien tout à l'heure. Une certaine vision triomphaliste, un certain discours sur l'unité, et puis une question de la fierté. Très rapidement, je peux dire, moi j'ai été formé en histoire européenne. Dans ma perspective, la guerre c'est une catastrophe. Oui. Au Canada, c'est pas forcément une catastrophe. On peut en tirer une fierté, et ça pour moi c'est assez fascinant. C'est peut-être parce que, Caroline Damour, c'est peut-être parce que cette guerre et ces guerres auxquelles seront associés le Canada ne se passe pas chez nous, généralement. C'est exactement ça. Le Canada, à part la guerre de 1812, ça se passe pas sur son territoire. OK, les sous-marins pendant les années 42-43, mais sinon, c'est à l'extérieur, c'est à l'international. On y va pour le bien de la civilisation, donc on est du bon côté de la force. Et puis en fait, on grandit aussi on aide les Français avec le débarquement de Normandie. Et le Canada, au fond, se construit, la stature internationale du Canada s'est beaucoup construite, non? Tout à fait. Ben, il y a aussi beaucoup la rhétorique avec la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles qu'on signe, etc., et qu'on arrive avec Westminster en 1931. où on arrive à un statut international pour la première fois, et la Deuxième Guerre où on obtient une quatrième armée au monde pour un Canada qui est très petit à l'époque. Donc, c'est des choses qui sont des points dominants de notre politique étrangère au long du 20e siècle. Donc, point important, point dominant de notre politique étrangère au 20e siècle, fierté, disait Karl Bouchard aussi. En même temps, Stéphane Roussel, est-ce qu'il n'y a pas une manière de cynisme aussi? Quand, dans notre rapport à la guerre, dans notre manière, par exemple, de voir l'armée canadienne, dont on se moque assez souvent, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi dans notre rapport à la guerre? De cynisme ou d'une forme d'indifférence où on prend pas nécessairement la chose au sérieux dans la mesure où Caroline l'a très bien souligné, c'est quelque chose de toujours de très lointain pour les Canadiens, la guerre, ça se passe toujours à l'étranger. Le Canada n'a pas subi de tentative d'invasion depuis 200 ans. Et en plus, il n'y a pas un sentiment d'insécurité. Le Canada est protégé par ses trois océans et par le fait que son seul véritable voisin, c'est la grande puissance du système international qui le protège, voilà. qui a un rapport amical. Dans des conditions comme celle-là, on peut dire que le Canada est à la fois indéfendable parce qu'il est trop grand, puis invulnérable parce qu'il n'y a pas de voie d'accès pour l'attaquer. C'est un peu difficile de convaincre les Canadiens de prendre la chose au sérieux, qu'il y a des menaces qui planent sur la tête sur leur tête. Donc, oui, il peut y avoir une forme de cynisme ou d'indifférence, ou à tout moins, on va dire, de distance par rapport au phénomène de la guerre. Un grand bateau s'avance et glisse lentement sur les flots bleus du Saint-Laurent, amenant les blessés de la guerre vers leurs amours, vers leurs mœurs. Sur le quai, dans la foule, une fille était là. Elle attend son brave soldat, celui que son cœur aime dans son bonheur extrême. En fixant le navire, elle fredonne ses jours. Il est revenu, mon soldat, une chanson interprétée par le Quatuor canadien en 1920. Évidemment, vous l'aurez compris, chanson qui rend hommage aux soldats canadiens qui ont participé à la Première Guerre mondiale. On va donc entamer notre première séquence, celle qui retient notre attention dans un premier temps, séquence consacrée évidemment à la conscription et au débat autour de la conscription en 1917. C'est presque un incontournable, Karl Bouchard, aussitôt, au Québec, en tout cas, quand on pense à la Première Guerre mondiale, ce qui vient à peu près tout de suite dans nos têtes, c'est cette crise de la conscription. Avant de parler de l'ampleur qu'aura cette crise-là, c'est une crise très, très importante. Pourquoi la conscription? Pourquoi le gouvernement de Robert Borden décide-t-il qu'il faut appeler les Canadiens au combat par une loi de la conscription? Ouais, la guerre, c'est un peu un test pour l'unité nationale. Donc, il y a quelque chose là qui va expliquer aussi son intérêt pour l'histoire par la suite. Mais il y a beaucoup de raisons qui expliquent la décision de Borden. C'est pas une décision qu'il prend à la légère, déjà, parce qu'on sait le caractère explosif de ce genre de décision-là. Mais si Borden le fait, c'est d'une part par émulation impériale. Le Canada étant un dominion blanc dans l'Empire britannique, il a annoncé au début de la guerre qui allait lever 250 000 hommes pour partir à la guerre. Ouais. En janvier 1916, on monte à 500 000 hommes la force. 500 000 hommes, c'est un jeune Canadien sur quatre. Ouais. C'est impossible. On ne peut pas y arriver par le volontariat. Or, c'est une armée de volontaires. On s'aperçoit à partir de l'été 1916 et surtout à partir de 1917 qu'il y a de moins en moins de gens qui s'enrôlent et les pertes, elles montent. Et donc, ce déficit entre les pertes et l'enrôlement pousse à un moment donné, Borden a dit, ben là, il faut qu'on fasse quelque chose, d'autant plus que la pression venant des alliés est de plus en plus importante. Pour défendre qui? Parce que d'abord et avant tout, parce que vous parlez de notion de vision impérialiste, d'abord et avant tout parce que notre grand frère britannique est en guerre, c'est ça la logique? Notre mère britannique est en guerre. Ouais. On rappelle toujours que quand l'Empire britannique entre en guerre, en fait la Grande-Bretagne entre en guerre, le Royaume-Uni, pardon, entre en guerre à l'été 1914, le Canada entre automatiquement en guerre comme dominion. Donc il n'a pas de contrôle sur sa politique étrangère. Et au-delà de cette décision, cette non-décision, il y a aussi la volonté des Canadiens, et surtout des Canadiens anglophones, et surtout ceux d'origine britannique, de dire, nous, on participe aussi, on va sauver notre mère patrie. Tout à l'heure, Caroline évoquait l'idée de la défense de la civilisation pendant la Première Guerre mondiale. C'est un des moteurs, en fait, de la motivation des combattants. Et ça va donner vraiment une crise politique, mais un débat social très, très, très important. Une des crises les plus importantes de l'histoire de la Fédération canadienne, la crise autour de la conscription. Et puis, effectivement, en gros, ce sera d'un côté on schématise, mais les francophones du Québec, de l'autre côté, les anglophones. Un petit extrait, vous allez voir, parce que il y a parfois, le ton de ce débat va être parfois très, très violent, ça on pourrait y revenir, politiquement entre autres, mais parfois cynique. On écoute Alphonse Chiasson, qui reprend un discours très moqueur, vous allez voir, qui tourne en dérision, à l'époque de la conscription, qui tourne en dérision les arguments avancés par les agents recruteurs durant la Première Guerre mondiale. Extrait de l'émission « Au large de l'Aboiteau », diffusé en octobre 1966. Si vous me voyez ici ce soir, c'est parce que je rends un autre service au pays. Le grand général Samuel est venu d'Ottawa. Est-ce prêt pour demander de lui aider à faire signer des cartes du service national? Puis avec ça, aller de l'autre bord. C'est un beau voyage à faire, puis il y a bien de la gloire au bout. Si un petit gars, soit une petite balle dans le derrière, on y accroche la croix de guerre sur le devant. Si par une grosse malchance, il se fait tuer à de mort, le gouvernement prend soin de la veuve puis des orphelins. Si par un membre, on y en recolle un autre à Robert, paraît qu'ils sont bien plus beaux puis bien plus naturels que les autres, la seule différence, c'est qu'ils ne poussent pas de poils dessus. Dans les tranchées, ils ont des têtes de rechange pour les soldats qui se la font couper. Tiens, je connais justement un gars qui s'est fait sauter par une mine. Il avait plus de formance humaine, plus de bras, plus de tête, plus de jambes, un paquet de viande, quoi. Eh bien, ils l'ont fait à neuf. Puis avec sa vieille caboche, qui était bête, qui était ignorante, puis bête à plat, avec, aujourd'hui, avec sa neuf, il est éduqué, puis smart comme un savant. Merci, monsieur. Évidemment, c'est plein de dérision ce qu'on vient d'entendre, mais ça en dit beaucoup sur le débat qui fait rage à l'époque, sur le ton aussi qu'aura ce débat. De quoi sera fait ce débat-là, Carl Bouchard, sur le plan des arguments et puis sur le plan du ton qu'on va entendre? Oui. En fait, il y a le discours, il y a les arguments. C'est un débat qui est extrêmement acrimonieux. Il est aussi étonnant parce que c'est un débat qui traverse le pays, mais qui va se stigmatiser sur une province en particulier. Donc, c'est aussi ce qui occasionne cette tension. C'est un débat aussi politique. Le Québec. Va y avoir, le Québec, oui, pour ne pas le nommer. Et il y a aussi une tension politique parce qu'il y aura un clivage entre des conservateurs et un certain nombre de libéraux qui seront d'accord avec le projet de conscription, et puis d'autres libéraux derrière Wilfrid Laurier qui, eux, seront opposés. Les arguments qu'on donne, eh bien, c'est d'une part, pour les pro-conscriptionnistes, c'est un argument de totalisation de la guerre. C'est-à-dire que dans ce genre de guerre, dans cette guerre qui est la Première Guerre mondiale, ce sont les nations qui tiennent le plus longtemps qui vont gagner la guerre. Ouais. Alors, il faut qu'on amène constamment des hommes. Il faut constamment qu'on renfloue ces pertes. Et de l'autre côté, les anticonscriptionnistes, eh bien, ils sont d'une part opposés ou plutôt indifférents aux conflits qui se passent en Europe, n'ont pas forcément de rattachement à l'Empire britannique. Et puis certains vont dire, le plus bel exemple, c'est Henri Bourassa, qui au départ est tout à fait d'accord avec l'effort de guerre canadien, va dire le Canada est capable de donner autre chose que des hommes. Ouais. Peut donner de la nourriture, peut avoir un soutien logistique, peut avoir un soutien matériel, mais les hommes, on en a assez donné pour notre petit pays. Donc, ce n'est pas forcément une opposition à la guerre, c'est une opposition à la façon de faire la guerre aussi dans le débat sur la conscription. Mais il reste que ça devient très politique, on en parlera dans un instant, ça va déboucher, le point de cristallisation de cette division du pays va s'exprimer au cours d'une campagne électorale qui va être référendaire. Et il y aura donc cette cassure, là, cette opposition, le Québec francophone d'un côté, le Canada anglais de l'autre. Ouais. On écoute le cardinal Paul-Émile Léger parler de cette polarisation à l'émission Le matin de la fête, le 4 avril 1900. Mais n'oublions pas qu'en 1917, il y a un vote qui a été pris aux communes à Ottawa et qui a donné force de loi à ce que l'on appelle le projet Borden, la loi Borden. Pour moi, c'est le début, c'est une cassure. Le Québec n'a jamais accepté cette loi. Tous les hommes de 20 à 35 ans, devait être mobilisé. Mon père était maître des postes à Saint-Anicette et recevait les lettres de convocation, toutes ces lettres qui étaient envoyées. Or, tous ces jeunes gens s'étaient réfugiés dans la forêt près de la frontière américaine. Mon cher père, il n'était pas pour partir en voiture pour aller porter les lettres, d'ailleurs. Aucun inspecteur du gouvernement n'osait pénétrer dans ces forêts parce que ces jeunes gens, enfin, ils étaient révoltés. Qu'est-ce qui explique, Carl Bouchard, cette révolte des jeunes dont parle le cardinal Paul-Émile Léger, cette cassure aussi avec le Québec? Ouais. La cassure, en fait, se stigmatise autour, d'une part, d'un discours qui commence au début de la guerre. C'est-à-dire que déjà, notamment dans les journaux anglophones, on commence à dire au début de la guerre que les Canadiens français ne font pas leur part, ne participent pas suffisamment à l'effort de guerre. Et ça, même si la participation canadienne-française est significative quand même, c'est vrai que c'est un peu moins important que la proportion de francophones au pays, il semble très difficile de comprendre que les motivations sont différentes au Canada français. C'est un peuple plus rural, plus rattaché à sa terre, plus indifférent au sort de l'Empire britannique. Donc, dès le début, ça pose un problème. Par la suite, on va, et c'est surtout le cas du gouvernement Borden, va capitaliser en fait là-dessus. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, la conscription, c'est un sujet explosif. Quoi de mieux que trouver un bouc émissaire pour essayer de faire passer la conscription? Et le bouc émissaire, il est tout trouvé. Ce sont les Canadiens français qui s'y opposent de façon assez majoritaire. Est-ce que c'est pas carrément... Je ne sais pas si c'est prémédité, mais bon, il y a le premier objectif de faire passer la conscription. Ça va déboucher, cette crise-là, sur une campagne électorale, la campagne de décembre 1917. Est-ce que c'est à ce point machiavélique que Borden se dit « j'ai même politiquement, de manière partisane, une occasion et je vais en profiter ». Je pense qu'à court terme, oui. Vraiment. Je pense qu'à court terme, c'est l'occasion. C'est ce qui me permettra d'avoir une majorité. Ça me permettra d'avoir une majorité. On se rappelle que c'est quand même un sujet explosif. C'est un sujet qui est délicat pour tous. Pour Borden, c'est une occasion. C'est une occasion. Et il va en profiter. On en parle assez peu, en fait, mais l'élection de 1917, c'est probablement l'une des élections les plus troubles des pays démocratiques occidentaux du 20e siècle. je vais jusque-là. Il y a un détournement de démocratie. Un détournement avec des règles, parlez-nous-en, mais des règles qui sont adoptées, qui sont assez hallucinantes quand on regarde ça avec le recul. Et l'objectif, c'est de gagner les élections et de faire entrer les conservateurs, de faire entrer les unionistes, parce qu'il y a certains libéraux qui en font partie, et de faire passer la conscription. Alors, ces règles, c'est par exemple, on offre le droit de vote aux femmes, ce qui est formidable, mais seulement aux femmes dont le fils, le mari, le frère est parti ou est mort à la guerre. Alors déjà, on restreint le bassin de population aux seules personnes qui sont concernées par la guerre. Ouais. Deuxième point extrêmement important, les naturalisés de pays ennemis qui sont naturalisés depuis 1902 n'ont pas le droit de vote. Troisième élément, les infirmières ont le droit de vote également. Autre élément, les objecteurs de conscience n'ont pas le droit de vote. Dernier élément qui est absolument terrible, si on vote aux élections, on ne peut pas par la suite demander le statut d'objecteur de conscience. Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont absolument troublants. Et le plus troublant de tout ça, c'est que le gouvernement permet aux soldats de choisir ou de ne pas choisir le candidat ou le parti aux élections. C'est-à-dire que lorsqu'on a le bulletin électoral, on est soldat canadien en Europe, on a un bulletin électoral, on peut voter pour un député de sa circonscription ou simplement voter pour le parti. Et ensuite, le parti au pouvoir se donne le droit, dans le mois qui suit les élections, de disperser les votes dans les circonscriptions qui sont les plus délicates, ce qui permet aux conservateurs de gagner 14 circonscriptions supplémentaires et de faire un véritable raz-de-marée, mais un raz-de-marée qui va complètement diviser le pays. Incroyable. Parce que les libéraux rentrent au Québec et les conservateurs rentrent ailleurs. Ouais. Clivage, donc, d'un bout à l'autre de cette crise-là. Il en reste quoi? Stéphane Roussel, par exemple, vous étudiez attentivement aujourd'hui les politiques militaires canadiennes, notre rapport comme Canadien à l'action militaire, à la guerre. Il reste quoi? Est-ce qu'il reste quelque chose de cette crise de la conscription? Cette image qui s'est imprimée en 1917 et qui a été confirmée d'une certaine manière par la crise de 1942-1944, elle est encore présente aujourd'hui. On l'a vu encore au cours de la guerre en Afghanistan, lorsque, en 2007, on a eu c'est la première fois où le 22e régiment était déployé, donc c'est sur le terrain. On a vu des commentaires dans les journaux anglophones où on disait, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand il y a un cercueil recouvert d'un drapeau québécois qui va venir au pays? On va se retrouver encore une fois avec les Québécois dans la rue qui manifestent contre la guerre. Tout comme on a dit aussi lors des manifestations contre l'invasion de l'Irak en 2003, c'était autrement plus important à Montréal qu'à Toronto. Et on dit encore, ben ça y est, c'est les Québécois pacifistes qui n'aiment pas la guerre puis qui s'opposent à ces opérations-là. Donc cette image, elle reste. Cette image du Québec, des francophones plus pacifistes, plus anti-guerre, Carl Bouchard. Oui, mais elle reste aussi parce que ça sert la cause identitaire québécoise. Donc c'est pas simplement du côté des Canadiens anglais aussi qu'on garde ce stigmate-là. C'est que du côté des francophones, c'est aussi une façon de se positionner, de se donner une identité par rapport au reste du pays. Donc c'est aussi, mémoriellement, très intéressant pour l'histoire canadienne, française ou québécoise. Est-ce que c'est pas en partie, en revanche, un peu injuste, Caroline Damo? Puis je reviens un petit peu à notre point de départ, la crise de la conscription. L'image donc reste, semble-t-il, des Québécois moins va-t-en-guerre. En même temps, en 1917, l'effort de guerre a été fourni par l'ensemble du pays et par le Québec aussi. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que Montréal, à l'époque, c'est la plus grande ville industrielle du Canada. Donc, on a certainement plusieurs Canadiens français qui travaillent à cet endroit-là. Il n'y a pas que des soldats au front. Non, c'est ça. Puis, il faut dire aussi que la crise de la conscription, c'est 3 ans après le début de la guerre. Donc, c'est passé des choses incroyables dans ces 3 années-là. C'est qu'on attarde beaucoup notre attention sur le discours politique. Et comme Carl le disait, c'est au niveau beaucoup du nationalisme identitaire qu'on fait référence, ce qui est correct, mais il faut faire attention pour pas que ça ait vécu le reste de l'expérience de guerre. Et puis au final, puis on termine ce bloc là-dessus, Carl Bouchard, ce qui est assez formidable, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça va être une crise majeure qui va avoir des conséquences politiques importantes. Objectivement, la conscription changera pas grand-chose dans l'effort de guerre canadien durant la Première Guerre mondiale. Non, ça va faire 4 morts à Québec, hein, quand même. Il y a des manifestations de Pâques, hein, faut pas les oublier, elles sont importantes, parce que ça aussi, c'est un stigmate important. Mais elles font pas grand-chose parce que, évidemment, on le sait pas, en 1918, que la guerre va se terminer quelques mois après. Mais en fait, il y a très, très peu de soldats qui conscrits qui vont partir à la guerre. C'est 5% à peu près des appelés qui sont dans la classe d'âge, en fait, qui peuvent partir, qui vont aller servir en Europe. Alors, leur poids militaire est quand même limité. On a beau dire qu'ils ont pu agir dans les 100 derniers jours et tout ça, mais ça reste quand même extrêmement mineur. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France, immense moyen d'attaque. C'est-à-dire pour nous de secours. Ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Aujourd'hui, la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. Le général Charles de Gaulle qui lance depuis Londres un message aux Français le jour même du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Deuxième épisode, donc, qu'on va observer ensemble au cours de cette émission sur le Canada en guerre, ce fameux débarquement de Normandie. Le Canada, évidemment, participe à cette opération. Ça reste, Caroline Damour, il y a encore... Aujourd'hui encore, en fait, on est toujours aussi fasciné par cette opération du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Pourquoi? Bien, c'est par son ampleur. On a des hommes, on a 150 000 hommes qui arrivent sur les plages et autour avec les parachutistes. Mais c'est aussi que ça commence une formidable avancée des alliés. Et en termes d'organisation aussi, il faut voir qu'on travaille là-dessus depuis des années pour essayer d'envoyer tous ces hommes sur les plages et de Normandie. Ça reste, au jour d'aujourd'hui encore, une des opérations militaires les plus importantes et plus complexes de l'histoire. De l'histoire, les plus complexes. On n'a jamais fait une opération avec autant d'hommes, de ressources, de ravitaillement. C'est planifié, comme je disais, depuis des années, parce que si c'est l'échec, il va falloir peut-être reculer la guerre d'un an ou deux tranquillement pour aller jusqu'à Berlin. Le Canada, dans tout ça, on participe évidemment à cet effort, à ce débarquement de Normandie. Quel poids on a dans cette opération-là? Bien, sur les 5 plages, qu'on en occupe quand même une, on envoie 14 000 soldats d'infanterie et autour des blindés aussi à ce niveau-là. On a 10 000 marins qui participent. On a les parachutistes, un bataillon complet qui y va. On participe aussi au niveau de l'aviation avec le Bomber Command et l'aviation tactique. Donc, le Canada offre vraiment une participation, je peux pas dire majeure, parce que la Grande-Bretagne et les Américains sont de loin plus nombreux, mais on a un impact important. Ça se décide où? Ça se décide quand, cette opération? Quand est-ce qu'on décide qu'il y aura un débarquement en Normandie? Bien, ça se décide. On a hâte depuis 41-42 d'y aller, mais le point focal, on pourrait dire, c'est au niveau de la conférence de Québec de août 43 avec Churchill et Roosevelt qui s'amènent et Mackenzie King qui vient poser pour les photos. Et c'est là donc où les trois hommes disent « ça y est, on met la machine en marche, il y aura un débarquement en Normandie » avec toute l'organisation. Puis prenons le temps quand même d'en parler parce que vous en avez, vous l'avez signalé deux fois. C'est colossal comme organisation. On peut pas avoir, je pense pas qu'on peut comprendre sans l'expérience totale, sans l'avoir vécu véritablement. Parce qu'il faut comprendre qu'on a des avions dans les airs au-dessus des hommes pour pouvoir avoir accès aux plages. On a à peu près, c'est 250 dragueurs de mines pour tasser, pour faire le chemin pour 6000 navires qui eux, amènent soit des hommes ou vont être là pour pouvoir avoir accès à bombarder les défenses côtières. On a, comme je parlais, 150 000 hommes au total. C'est une expérience gargantuesque. Et tout le travail en amont, Caroline Damour, il y a quelque chose d'assez fascinant. Ceux qui suivent l'histoire militaire le savent, mais on veut surprendre les Allemands. La guerre est déjà enclenchée depuis un bon moment. On va créer une illusion, mais vraiment un faux front, parce que l'Allemagne nazie est convaincue que c'est par le nord, Pas-de-Calais, là où, la distance à traverser par la Manche est la plus courte, que c'est par là que ça va se faire. Oui. Comment on réussit donc, et ça c'est des mois et des mois, là, comment on réussit à créer cette illusion et les Allemands vont embarquer? Les Allemands vont acheter au complet toute l'opération. Dans le fond, ça s'appelle l'opération Fortitude. Et lorsqu'on fait, on crée une fausse armée qu'on va mettre direct en face, en Grande-Bretagne, en face du Pas-de-Calais. On va avoir des blindés gonflés, des canons de bois. On va créer vraiment une armée physique l'aviation de reconnaissance allemande va pouvoir avoir des airs. Ensuite, on crée des messages radio fictifs pour influencer le service de renseignement encore des Allemands. Et en plus, on met le célèbre général Patton, un général américain, on le met à la tête de cette armée fictive pour vraiment faire croire aux Allemands que, bon, si Patton est là, c'est sûr que ça on marche. Va attaquer. Ça marche. Ils y croient. Ouais. Juste, ça va prendre un mois et demi avant qu'ils comprennent que l'attaque en Normandie, finalement, c'est le front principal et non le Pas-de-Calais. Débarquement, c'est un film. C'est un film en soi, en fait. C'est un scénario. C'est pour ça que c'est aussi fascinant aussi. Il y a quelque chose de romantique, de l'espionnage. Tout est là, en fait. De gigantesque. Tout est là. Et c'est sans compter qu'il va falloir aussi... On sait que on affaiblit la force aérienne allemande. Tout ça se planifie. Là. Le réseau routier. On veut couper le réseau routier pour pas que les Allemands puissent amener du renfort le moment venu. Exactement. On coupe les ponts. On essaie, en fait, d'isoler la Normandie au plus complet pour qu'il n'y ait pas d'accès et on utilise aussi la résistance française pour nous aider là-dedans. Donc, c'est un vaste effort de tous les alliés à ce moment-là. Ça se passe donc le fameux jour J, le 6 juin 1944. Comment ça se déroule, cette opération? Très simple. Il faut d'abord essayer d'isoler, comme je dis, la zone de débarquement. Donc, on envoie les parachutistes aux petites heures du 6 juin. Ensuite, on fait le passage pour la force qui est sur les eaux pour enfin avoir un débarquement entre 6h et 7h30 le matin pour les 5 zones de débarquement américaines de la Grande-Bretagne et du Canada. Donc, les principales forces d'assaut vont arriver dans ces heures-là et ensuite, on essaye de pousser vers l'intérieur. Ça sera pas facile. Les Allemands, même s'ils sont surpris, nous attendent quand même. Ouais. Et le jour même, ça se passe assez bien, le débarquement comme tel. Il y a les Américains sur la plage d'Omaha où c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus difficile. On va essuyer plus de pertes, on va avancer beaucoup moins que les autres plages, mais on va arriver aussi dans l'eau comparativement aux zones britanniques et canadiennes. Les Américains, eux, arrivent plus haut avec la marée. Donc, eux, ils avancent dans l'eau, ce qui va être plus difficile jusqu'à un certain point pour eux. Les chiffres, moi, je ne les connaissais pas. Vous baignez là-dedans. Ça vous étonne encore quand on parle de, 130 000 soldats, vous l'avez dit, mais écoutez, 23 500 parachutistes, 6 500 navires, 5 000 chasseurs, 6 000 bombardiers. C'est l'effort de guerre le plus important de l'histoire ou pas? Je pense que c'est la plus grosse offensive navale, de toute façon. La précédente d'une telle ampleur, c'était les Dardanelles. Oui. Échec complet pendant la Première Guerre mondiale. Ça a beaucoup échaudé les Britanniques. Et donc, c'est pour ça que la planification est aussi importante par la suite. On ne veut pas rater ce coup-là. C'est au-delà des chiffres, c'est la coordination qui est vraiment incroyable ici. Caroline l'a bien souligné. C'est l'idée selon laquelle il ne s'agit pas juste d'engager une masse d'hommes et de matériel. Il s'agit de les faire travailler ensemble de manière efficace. Et c'est une grande partie du succès du débarquement, mais aussi le tour de force qui est fait, c'est de que cette machine-là se mette en place et fonctionne. En fait, des fois, on dit, Carl faisait allusion tantôt au jeu de stratégie. Si vous jouez un jeu de stratégie du débarquement, il n'y a rien à faire parce que une fois que les plans sont lancés, une fois que le plan est déclenché, on ne peut plus l'arrêter. Ouais. Donc, on espère que les choses se passent correctement. Et ça se passe bien, donc, le débarquement comme tel, qui a lieu donc le 6 juin 1944, je le rappelle. Mais évidemment, ce débarquement-là n'est que le début de ce que va devenir la bataille de Normandie. Là, ce sera un peu plus compliqué. On écoute le journaliste Marcel Ouimet, à l'époque, nous parler de cette bataille dans son reportage du 16 juin 1944. Voilà 11 jours que nous sommes en France et la bataille continue de bien aller. Tous les efforts qu'ont fait les Allemands depuis le débarquement en vue de nous tailler en pièces ont échoué. Les craintes que nous avons pu nourrir au cours des deux premiers jours de l'opération de nous faire repousser dans la mer sont aujourd'hui passées. La réussite de la campagne jusqu'ici, on peut l'attribuer aux semaines et aux mois que l'on a mis à se préparer. On n'avait rien laissé au hasard. Les états-majors alliés avaient tout prévu, et depuis l'heure H, quand nos troupes d'assaut ont commencé à nettoyer les plages, le flot des hommes, des armes et des munitions est ininterrompu. Les plages coquettes et accueillantes, presque désertes même au moment où j'ai mis pied à terre, le 6 au matin, où les véhicules militaires n'abondaient pas encore, débordent aujourd'hui d'activité. C'est par centaines que nos navires ancrent au large, pour déverser leur cargaison. Et c'est par centaines aussi que l'on a élevé des ballons captifs pour les protéger contre les raideurs allemands. Malgré les succès remportés, il ne faudrait pas escompter une victoire trop rapide. Depuis 10 jours, on a pu constater que l'Allemand, une fois remis de la surprise tactique que nous lui avions causée, se bat avec acharnement. Il emploie tous les moyens et toutes les ruses pour nous démolir le plus possible d'hommes et de matériel. Alors, Caroline Damour, est-ce que ce sera... On le voit bien, le débarquement se passe bien, mais ensuite, la campagne de Normandie commence difficilement. Ce sera très difficile ou pas? Ça va être difficile parce que la défense, pour les Allemands, c'est plus facile. Par défaut, dans les opérations militaires, c'est souvent plus facile en défense. Et en plus, on a un paysage où on ne s'est pas nécessairement bien préparé après le débarquement. Mm-hmm. Donc, c'est un paysage avec des grandes haies, des petits villages, des chemins tortueux. Donc, la défense est favorisée. Et les Allemands, il faut le savoir, sont d'excellents guerriers, malheureusement, pour les Alliés. Ils travaillent bien et ils sont capables d'éliminer. Ils ont encore le moral à ce moment-là? Encore. Oui. Jusqu'à la Normandie, ça va bien. Après, ça va être de plus en plus difficile. Oui. Quelle importance, ça, on achève ce bloc consacré à ce débarquement de la Normandie. Rétrospectivement, quelle importance a ce débarquement par rapport à d'autres grandes offensives au front de l'Est, par exemple, Carl Bouchard? Ben, au moment où la guerre se termine, les premiers sondages d'opinion sur la participation et sur la victoire chez les Européens montrent que les Européens croient que la guerre s'est gagnée à l'Est et que le plus important, c'est la défaite allemande à Stalingrad et en Union soviétique. Et plus le temps passe, plus les décennies passent, plus le débarquement prend de la place. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de légende, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, parce que Hollywood s'en empare, parce que ça devient un espace mémoriel qui finit par dominer l'Occident. Puis aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que la guerre ait pu être gagnée sans le débarquement de Normandie. Donc, il y a quelque chose, il y a un glissement là, qui est assez intéressant, même si la plupart des historiens sont d'accord pour dire que l'Allemagne ne pouvait plus gagner la guerre après sa défaite en fait, soviétique. En fait, même, puis Caroline Damour, vous l'avez un peu soulevé, même si le débarquement du 6 juin n'avait pas été un succès, ça ne faisait que reporter la victoire exact. Des Alliés. Reporter. On avait encore la chance parce qu'on avait une armée alliée avec nous en Europe, mais ça aurait seulement reporté la défaite parce que clairement, on commençait à avoir le contrôle depuis 1942-1943, ouais. Comme Carl le dit. Et puis, au fond, cette réécriture de l'histoire se fait probablement dans le contexte d'une autre grande guerre qui marquera le 20e siècle, qui est la guerre froide. Au fond, c'est Stéphane Roussel, c'est les Alliés qui écrivent cette page de la Normandie comme le grand élément de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que du côté des soviétiques. On va constamment... Les alliés occidentaux, qui mènent le débarquement, mais les soviétiques vont constamment reprocher aux alliés. Staline va le faire à plusieurs reprises, leur dire, vous tardez à débarquer parce que vous espérez que les Allemands vont faire le plus de dommages possible et affaiblir l'Union soviétique. Quelque part, on peut se demander s'il n'y avait pas aussi des calculs comme ça. Mais quand on regarde les chiffres ou quand on regarde la suite des événements, on voit que le débarquement et la bataille de Normandie a attiré une bonne partie des réserves allemandes. Et on a une espèce de mini-Stalingrad qui va se produire, ce qu'on appelle la poche de falaise, dans laquelle entre 50 000 et 100 000 soldats allemands vont être tués ou capturés, ce qui est quand même important. Et une dernière chose qu'on peut dire là-dessus aussi, c'est que la Normandie, la région de Normandie, a à la fois payé pour la France et sauvé la France de la destruction. C'est-à-dire que du moment où les Allemands lâchent pied en Normandie, ils reculent jusqu'à la frontière. Il n'y a presque pas de combat qui se font sur le sol français. La Normandie est en ruine complètement. Il n'y a pas un village qui n'a pas été gravement touché. Mais le reste de la France est intact. En fait, donc, cette bataille de Normandie, quelque part, a sauvé le reste de la France. Un petit mot, Carl Bouchard, en terminant sur pour le Canada, dans l'effort de guerre, que sera l'effort de guerre canadien dans la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que le débarquement est en tête de palmarès ou s'il y a eu plus important pour nous en termes de contribution? Est-ce qu'il y a eu plus important pour nous? Pour les Canadiens français, pour les Québécois, c'est quand même assez important. Il reste quand même aussi la mémoire d'encore de la crise de la conscription de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est clair que tout ça est minoré ou en fait mitigé par la crise de la conscription. Mais ça reste quand même chez nous, je pense que pour les Canadiens français et pour les Québécois, quand même un événement important. Et le massacre de Dieppe aussi, qu'il ne faut pas oublier, donc, qui est un élément encore auquel on se souvient bien. Qui était la préparation, l'échec, en fait? Oui, ben c'est un peu comme dire que le Titanic a permis d'améliorer les techniques de construction navale. mais en fait, surtout, le Dieppe, c'est le jour le plus noir de l'armée canadienne. Ouais. C'est dans toute la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce jour-là où on perd le plus de soldats. Et les francophones. My delegation would like to submit to the Assembly a very short resolution, which I venture to read at this time. It is as follows. La délégation canadienne aimerait soumettre à l'Assemblée une très courte résolution qui se lit comme suit. Considérant l'urgence d'en arriver au respect des résolutions 8, 3, 2, 5 et 6 du 2 novembre, il est demandé au secrétaire général de soumettre dans les 48 heures un plan pour la mise sur pied d'une force internationale de maintien de la paix, en accord avec les pays concernés, de manière à sécuriser et à superviser la fin des hostilités, en conformité avec les résolutions déjà mentionnées. In accordance with the terms of the above resolution. Le ministre des Affaires étrangères du Canada, Lester B. Pearson, le 4 novembre 1956, qui demande ce jour-là à l'Assemblée générale des Nations unies de voter en faveur de cette fameuse résolution 998 qui va créer, au fond, les premières forces de maintien de la paix de l'ONU. Avec la présentation de cette résolution-là, Lester B. Pearson, c'est à lui, au fond, qu'on va reconnaître un peu la paternité de la création de ces forces, la création des casques bleus. Ça va d'ailleurs faire son chemin, ça, dans notre imaginaire collectif comme Canadien, dans la manière dont on se définit par rapport à la guerre. Stéphane Roussel, on va parler de la façon dont Lester B. Pearson réussit à créer ses casques bleus, mais un petit mot d'abord sur lui. Mm-hmm. Il deviendra premier ministre, mais qui est-il, Lester B. Pearson? Et justement, en fait, c'est un paradoxe, parce qu'on devrait se souvenir de Lester Pearson comme un ancien premier ministre. Or, la majorité des gens se rappellent de lui pour ce qu'il a fait quand il était ministre des Affaires étrangères. Ce qu'on on peut rappeler de lui, c'est que d'abord, c'est un diplomate professionnel. C'est un des très rares, celui qui est devenu politicien par la suite, qui a une carrière internationale comme celle-là. Il rentre au ministère des Affaires extérieures en 1927 et il gravit tous les échelons jusqu'à devenir sous-ministre en 1946. Et donc, il va servir sous le premier ministre Saint-Laurent qui va lui demander en 1948 de se présenter dans une élection partielle et il va être élu pour être nommé ministre des Affaires étrangères. Ouais. Donc, on a quelqu'un ici qui a fait tout le parcours de fonctionnaire et qui suit ensuite comme étant ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est quelqu'un qui connaît tous les ficelles du métier et qui a une connaissance très aiguë du milieu international. Et qui aura vraiment, dans la définition de la politique étrangère canadienne après la Deuxième Guerre mondiale, cet homme-là a un rôle fondamental. Et il personnifie, si vous voulez, l'action internationale du Canada dans la mesure où on attribue à lui ou à son entourage, dans le fond, tous les principes qui vont guider la politique étrangère canadienne de cette époque-là. Et en fait, peut-être la seule parenthèse, c'est le gouvernement Harper. Mmh. Ouais. Mais même encore les principes qui guident aujourd'hui la politique étrangère canadienne à l'époque de Justin Trudeau, c'est le multilatéralisme, les organisations internationales, le droit international, la justice sociale. Mmh. Tous ces principes-là sont posées par Lester Pearson. Et on peut dire donc que quand on parle de la politique étrangère canadienne, on parle souvent de la politique pearsonienne. Ouais. On l'attribue à cette personne. Alors revenons à cette fameuse résolution, à la création de ce qui deviendra les casques bleus. Dans quel contexte sont créés ces fameux casques bleus, Stéphane Roussel? Donc c'est la crise de Suez de 1956, c'est l'histoire d'un complot. D'abord, c'est le président Nasser en Égypte nationalise le canal de Suez à la fureur des Français et des Britanniques parce que le canal de Suez, non seulement c'est une voie de passage vitale pour les Européens, mais aussi c'est des intérêts franco-britanniques qui le géraient. Les Français et les Britanniques vont s'acoquiner avec les Israéliens, un plan un peu machiavélique de dire les Israéliens vont attaquer l'Égypte. Et on s'entend, là, tout ça est planifié. C'est une réunion, qui est la réunion de Sèvres, effectivement. C'est vraiment un plan que l'on met en place. Et on dit, ce que les Français et les Britanniques vont faire, ils vont servir un ultimatum aux deux belligérants, à Israël, qui est déjà dans le coup, et aux Égyptiens, en leur disant, vous devez cesser les combats autour, lorsque les Israéliens vont se rapprocher du canal de Suez, vous devez cesser les combats et vous retirez, faute de quoi nous allons intervenir pour protéger le canal de Suez. Ouais. C'est un prétexte cousu de fil blanc. On sait, il n'y a personne à l'époque qui se laisse prendre par ça. Ce que veulent les Français et les Britanniques, c'est avoir un prétexte pour débarquer en Égypte, déstabiliser le régime de Nasser et finalement s'en débarrasser. Ouais. Et c'est dans ce contexte-là donc que les Canadiens vont intervenir. Ouais. Si vous voulez, le coup de génie de Pearson. Parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais France et Royaume-Uni, donc, qui décident d'intervenir en Égypte, qui n'en parlent pas aux Américains. Mmh. Et les Américains sont furieux. Ouais. Absolument. Et en fait, le grain de sable dans la machine, c'est que les Français, les Britanniques, et surtout les Britanniques, en fait, ont sous-estimé l'ampleur de la réaction que ça va créer. Aux États-Unis, le président Eisenhower, qui s'en va en élection cette semaine-là, en fait, c'est le 6 novembre 1956, n'est pas averti, ou en fait, c'est pas clair comment ça s'est passé, mais donc il est furieux. Les États du Commonwealth en Asie sont furieux aussi. L'Inde est furieuse contre l'Angleterre. L'Angleterre s'est mis tout le monde à dos. Et même à l'intérieur du pays, il y a une contestation qui s'organise aussi. Donc, le premier ministre Eden se retrouve dans une situation qui est presque intenable. Ouais. Très vite, on se rend compte que les Français et les Britanniques se sont mis dans un guépier. Et il faut tenter de les en sortir. Et Pearson, en bon diplomate, parce que c'est un négociateur, c'est un diplomate, c'est dans son ADN, il voit qu'il y a une crise, il voit qu'il y a une double crise, en fait. Il y a une crise en Égypte, Israël est parti de cette crise, et il y a cette crise entre forces alliées. C'est la première fois, probablement, qu'il y a une telle opposition entre les États-Unis d'Amérique et leurs alliés traditionnels, français et britanniques. En fait, il y a un précédent qui existe, et qui est cette réputation qu'ont les Canadiens de jouer sous les médiateurs entre des alliés, on peut la remonter jusqu'à la crise du traité anglo-japonais de 1921, où le Canada a joué le rôle d'intermédiaire entre les Américains qui s'opposaient au renouvellement de ce traité-là et les Britanniques qui, eux, voulaient le renouveler. Mais ça, c'est une constante dans la politique étrangère canadienne. Lorsque les principaux alliés sont en conflit, on va tout faire pour essayer de calmer le jeu. Donc, Pearson cherche une solution. Comment en arrive-t-il à cette idée d'une force internationale de maintien de la paix? L'idée, elle est très fine. D'abord, Pearson peut s'appuyer sur un certain nombre d'éléments qui sont déjà dans l'air depuis quelques années. On voulait que l'ONU dispose d'une force armée, en fait, que les États membres mettent à la disposition de l'ONU un certain contingent. Donc, cette idée-là flotte dans l'air d'une certaine manière. C'est dans la Charte des Nations Unies, mais ça n'a jamais été appliqué. D'autre part, Pearson va être très fin parce qu'il va se servir du prétexte des Britanniques et des Français pour dire, ben, au lieu que ce soit des Français et des Britanniques qui soient sur place et qui créent l'hostilité des Égyptiens, substituons-leur une force d'intervention de l'ONU, donc qui serait neutre, qui ne serait pas liée aux grandes puissances, que ce serait donc une force qui pourrait s'interposer sans créer la suspicion d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et en faisant ça, il coupe l'herbe sous les pieds des Français et des Britanniques, qui, il faut le dire, quelque part, sont très heureux d'avoir, finalement, de pouvoir sortir sans perdre la face. D'où le trait de génie, si vous voulez, qu'il y a derrière ça. Et ce qui va rester, en fait, c'est parce que c'est la première fois où les Nations unies peuvent déployer ce qu'on appelle une force d'interposition. Il y a eu des missions des Nations unies avant. Il y en a eu une en Palestine, il y en a eu une à la frontière indo-pakistanaise, mais pas une mission d'interposition entre deux belligérants comme on va le faire en 1956. Et comme ça va être répété à quelques reprises dans la suite de la crise. Et c'est ça, la solution donc à cette crise, Karl Bouchard? Mais en fait, c'est que ça donne justement à l'ONU une présence qu'elle n'avait pas auparavant. En fait, cette organisation internationale qui était vue davantage comme un forum de discussion, là, il y a quelque chose là, il y a une action et c'est le poids aussi symbolique est très fort. Évidemment, ça ne remet pas en cause, contrairement à l'action française et britannique qui contestait directement la décision de Nasser, la force onusienne ne va pas de ce côté-là. Non. Il s'agit de créer... Il y a un recul quand même de la part des Français et des Britanniques réels. C'est une perte très nette de leur point de vue. Et en fait, c'est surtout que c'est la dernière fois qu'ils vont essayer de faire quelque chose, de comporter comme des puissances coloniales la manière dont ils le font. Ouais, c'est un tournant important, effectivement, qu'on rappellera jamais assez. Ça va valoir à Alistair B. Pearson cette idée brillante. Ça va lui valoir en 1957 le prix Nobel de la paix. On l'écoute, il réagit. Au moment où on lui apprend qu'il va recevoir ce prix Nobel de la paix, la réaction de Lester Pearson. Il est très difficile pour moi de vous dire ce que je ressens en recevant un tel honneur. L'œuvre qui a sans doute convaincu le comité de me décerner le prix, je l'ai accompli en tant que représentant officiel du Canada, exécutant les politiques du gouvernement canadien telles qu'approuvées par le Parlement. Et aussi, en principe, je crois, par le peuple canadien. L'honneur qui m'est décerné revient donc au Canada, tout entier. Et je n'ai pas de mots pour exprimer ma fierté d'être le Canadien choisi pour le recevoir. Dans cet extrait, Lester B. Pearson, évidemment, qui dit accepter ce prix Nobel de la paix au nom de tous les Canadiens. C'est vrai que avec le temps, ça va devenir quelque chose d'important pour beaucoup de Canadiens, là, cette paternité de la création des casques bleus, cette vision que couronne une partie du pays, en tout cas, on parlait du Québec plus pacifiste un peu plus tôt, cette vision qu'on aura d'être d'abord et avant tout, non pas des guerriers, mais des gens qui sont déployés un peu partout dans le monde pour maintenir la paix. Stéphane Roussel. Oui, et on pourrait dire que c'est une des seules activités à caractère militaire du Canada qui a remporté l'adhésion d'autant de gens. C'est-à-dire que tous les Canadiens étaient en faveur de cette mission-là. C'est devenu un symbole national. C'est pas pour rien que le gouvernement chrétien a tenté d'en faire vraiment un symbole presque d'unité nationale. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a consensus, on aime bien, en tout cas, la majorité des Canadiens aiment bien cette idée des casques bleus. Quand Pearson propose ça dans le contexte de la crise de Suez, ça provoque des remous politiques très importants au Canada. On va dire au Canada que c'est la dernière crise impérialiste. C'est-à-dire que pour encore bon nombre de Canadiens, il ne faut pas oublier, depuis la Confédération, le Canada faisait partie de l'Empire britannique. Il y avait un lien très, très fort avec l'Empire britannique. Donc, pour beaucoup de Canadiens anglais, l'attitude de Pearson et du gouvernement libéral, c'est de, littéralement, on a trahi l'Angleterre au cours de cette crise-là. Contrairement aux Néo-Zélandais, aux Australiens, qui ont appuyé l'Angleterre, le Canada a refusé de soutenir la mère patrie. Et donc, c'est une trahison de ce point de vue-là. Et on va reprocher ça à Pearson, mais c'est la dernière fois dans l'histoire de la politique étrangère canadienne où le problème va se poser en ces termes-là. Il va en rester quoi aujourd'hui par rapport à cette création canadienne des casques bleus, Caroline Damour? Stéphane le souligne, c'est vrai que dans l'imaginaire, c'est très fort et en termes de politique aussi. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que c'était pas tout beau, tout blanc à l'époque. C'est qu'il y a aussi un côté que le Canada se sert de ça pour aller aider son allié occidental, du bloc occidental. Et on veut essayer d'imposer, dans le fond, un petit peu l'aide du bloc occidental dans les zones où ça peut être dangereux. En fait, la guerre froide, elle est présente tout au cours pendant une grande partie du 20e siècle, après la Deuxième Guerre mondiale. Ce que vous nous dites, c'est que ces grandes institutions internationales, dont fait aussi partie l'URSS, mais dans les faits, et les casques bleus, ça va devenir une manière de forme d'opposition. On cherche à museler un peu, à neutraliser, en tout cas, les pays du bloc de l'Est. C'est un peu ça. C'est la guerre par la périphérie. Donc, on n'a jamais d'affrontement direct avec l'URSS, mais on fait une guerre par la périphérie. Et c'est un moyen utilisé par le Canada et les États-Unis jusqu'à un certain point pour avoir un pied dans ces places-là. Ben, c'est ce qui explique aussi pourquoi autant les Américains que les Soviétiques étaient furieux contre les Français et les Britanniques d'avoir agi en Égypte, qui est considérée comme une zone justement d'instabilité. Les Français reprochent aux Égyptiens de financer la guerre en Algérie. Donc, tout ça se passe dans un contexte de guerre froide. Il ne faut surtout pas que quelqu'un déstabilise un ordre, et surtout pas ces anciennes puissances coloniales. Et de fait, comment va se positionner l'URSS et tout ce bloc de l'Est pendant la guerre froide sur la question, l'existence et l'évolution? Est-ce que ça va devenir les casques bleus, Stéphane Roussel? Certains satellites de l'URSS, notamment la Pologne, vont s'impliquer dans, pas nécessairement des missions d'interposition, mais des missions de l'ONU. Ils vont y participer. Mais dans la mesure où on peut le souligner, bien souvent, ces missions-là, au-delà de leur caractère très noble, ont un côté très conservateur. Elles permettent le maintien du statu quo. Donc, il n'y a pas un enthousiasme si grand que ça. Par contre, on doit reconnaître que les Soviétiques respectaient énormément le droit international et respectaient énormément les institutions internationales. Donc, il y avait quand même, à l'égard de l'ONU, une forme de respect qu'on ne retrouvait pas toujours chez les Occidentaux. Ouais. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai envie, pour terminer l'émission, de faire acte de modestie, parce qu'évidemment, en une heure, on peut évoquer le thème du Canada en guerre, mais on n'a pas la prétention d'avoir parlé de tout. Alors, faites-vous plaisir, messieurs, dames. Carl Bouchard, de quoi aurions-nous aussi pu parler dans cette émission, le Canada en guerre? On l'avait évoqué dans nos discussions en préparant l'émission. Je pense que la guerre des Boers, ce serait vraiment intéressant de l'aborder, parce que c'est une intervention canadienne dans un contexte impérial. Donc là, il y a quelque chose aussi d'assez intéressant. Ça donne au Canada un poids, mais encore une fois, dans le contexte de la mère patrie. Donc, il y a quelque chose là d'intéressant, surtout avec la Première Guerre mondiale, je pense que c'est bien. Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup en Europe à ce qu'on appelle les sorties de guerre. Ce qui se passe après la guerre. Quand est-ce qu'on passe de normes de guerre à des normes de paix, ou on revient à des normes de paix? Je pense que ça peut être intéressant aussi de le voir au Canada. Surtout, je continue à le dire, que la guerre, c'est aussi un test pour l'unité. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Caroline Damour? Moi, j'irais beaucoup avec on a parlé beaucoup de politique, justement, avec la conscription, mais aller un peu à l'extérieur, c'est quoi le vécu des personnes pendant la guerre? Comment on vit le rationnement? Comment on vit travailler des heures, pas infinies, mais des heures importantes à l'usine ou quoi que ce soit? Il y a des villes canadiennes qui ont été plus touchées par la guerre. Ce que ça veut dire, donc, pour certaines villes, pour des populations, la guerre, en fait. Oui, tout à fait. Comme Halifax avait vécu une explosion pendant la guerre. Donc, il y a beaucoup de choses autres que le côté politique, parce qu'on résume souvent les guerres à ce qui se passe sur le champ de bataille ou qu'est-ce qui s'est passé au Parlement ou à l'extérieur de la scène politique. Mais la personne, les gens vivent quelque chose et vivent une expérience de guerre totale. Donc, c'est ça qui peut être intéressant à voir. Stéphane Roussel, de quoi aurions-nous pu aussi ou dû parler? Deux sujets qui m'interpellent particulièrement. D'une part, l'impact de la guerre sur le développement du Nord canadien et de l'Arctique. En fait, la présence gouvernementale dans l'Arctique canadien, ça a d'abord été une présence militaire à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide. C'est là où on a découvert, le gouvernement canadien a mis son empreinte dans l'Arctique. D'autre part, un autre épisode que les Canadiens connaissent très peu et qui me paraît extrêmement important pour comprendre un peu la politique étrangère canadienne, les enjeux d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le serment de Kingston. C'est-à-dire, c'est un discours du président Franklin Delano Roosevelt en 1938, où pour la première fois, les Américains disent qu'ils vont protéger le Canada si le Canada est menacé. Donc, on reconnaît, si vous voulez, la faiblesse de l'Angleterre et tout ça. Et ce que ça signifie, en fait, c'est que le Canada va passer d'une orbite impériale britannique à une orbite américaine. Ouais. Ce qui est un changement, si vous voulez, un point de rupture majeur dans l'histoire de la politique étrangère. Et ce qui va écrire, en fait, c'est fondamental pour tout ce qui suivra dans, on y revient, mais dans notre propre rapport avec ces questions de guerre et d'armée. Et de sécurité, oui. Et de sécurité. Comment on la vit, oui, tout à fait. C'était fascinant. Je vous remercie infiniment tous les trois. Stéphane Roussel, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Merci beaucoup. Merci. Caroline Damour, chercheuse postdoctorale en histoire militaire canadienne à l'Université de Boston. Merci. Merci à vous. Et Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. patron.